j'ai plus d'inspiration. Je me tourne vers ma blonde. Elle me fait la pluie, le beau temps dans mes chansons. Maman. Ouais. L'homme est né en paix, on repartira dans la guerre. Tous les jours tu te lèves, prends un salaire de misère. Ben ouais, les décisions sont dures à prendre sans repère. S'agit souvent de vie ou de mort, quand sortir un revolver. On oublie tous les soucis avec la bouteille et le verre. Quand se goûte au décédé, à tous nos frères qu'on enterre. Si tu as sous critique, alors dépense tes pervers. Sadique, ça gratte l'état, en passant par les acidiques. Le chômage nous allume, les découvertes de plus en plus. Ça agit, ça part plus, et ça agit dans la rue. C'est grave, la bicra a envahi nos rues. C'est grave comme la classe s'est transformée en crasse. On est loin des paillettes, des strass et de la variette. On côtoie les racailles, les tasses et les palettes. On manque de contrats, de Covid dans une autre planète. On manque de contact, donc on est radin des caresses. On se lève à 14h, donc on est victime de paresse. Le but c'est qu'on progresse, mais là je vois qu'on régresse. La seule chose que je vois c'est que l'état elle nous délaisse. Je suis marqué à vie de mon enfance à vie. Malgré ça je m'agrippe et je donne de mes tripes. Je poursuis comme garci mort avec tout ce que je porte. Mes tant de soucis et mes tant de remords. À quoi bon sert la vie si bientôt est la mort? Je suis béton, chaos, génération de cassos. Tu sais quoi, faut des couilles pour éviter les coups bas. T'as vu, faut de la maille pour se barrer d'ici bas. T'as bien vu que partout c'est le même combat. Le B.A.B.A. du combat et bien sûr le respect. Tu peux venir vérifier dans nos rues en VO. 24 sur 7, la routine nous enterre. Fais parier qu'en 24 heures, y'a 24 frères qu'on enferme. Je sais que c'est partout la même, et partout c'est la merde. C'est comme rouler en gros gamos, et bien sûr en réserve. Y'a des choses qui changent pas, comme ce mal en soi-même. C'est idem pour mes semblables qui vivent avec leurs problèmes. Comment garnir une retraite avec des allocs? La suite logique, t'as projeté dans l'illicite. Ou des rêves de villa, de milliers en argent sale. 2009 ans de crise, c'est la famine, la famille. T'as le seum de la vie, t'attends juste de mourir. T'es envieux, t'es plus vieux qui maintenant ont une bonne vie. Tu dis que t'as plus rien à perdre, plus d'estime en toi-même. Fais la moto RER, vas-y, nique sa mère. C'est la bombe de vécu que je t'envoie dans la tête. C'est ma laisse qui nous rend fous, c'est la banlieue au rendez-vous. Regarde à vous mes soldats, c'est la guerre avec l'État. Et à l'heure où je te parle, mes corps vocales à la Beretta. C'était la crise avant la crise, la galère m'avait déjà prise. Quand je taffais à l'usine, voilà qui m'ont bif dans le bis. À part traîner dans le hall, dis-moi ce qu'il y a à faire. La solitude nous pèse avec l'épée Damoclès. Dans le box, ça se muscle pour avoir les trapèzes. Tu soulèves sang, t'es une bête, t'es même un bouc balèze. Cette rue, je la connais alors, je la charbonne à l'aise. Cette vie, c'est la mienne, je la baisse autant qu'elle me baise. C'est toujours pareil, dis-moi pourquoi tu veux que ça change. Certains préfèrent rester au quartier, plus attachés au mur que les briques, les pavés. Dis-moi pourquoi t'as fait, si le bis te fait plus mailler. Certains sont déjà riches, sans même avoir percé. Nique les fiches de paye si on évite les mailles du filet. Tous les jours, ça cogite, comment sortir de cette merde. Plus de limites qui nous freinent, termine la furie après.